graines s'enchaînent, les peines et les rênes, ses chaînes l'empêchent de monter sur la scène, partir en flèche, à la pêche au sourire, lui fout Henri, et Henri s'en fout. Henri le grand gris de la reine il ne s'en moque, Henri le petit roi n'a pas le poids de l'époque, cette époque où la reine s'endort, cette époque où le monde, eh bien s'en fout. Royaume de la plèbe, les asservis servent les rois. Le roi n'est pas moi, comme toi je le vois pas. En silence d'apparence, une larme pour la reine, des chansons carton jetées dans la Seine. Il donnera pas la lune, il a gardé près de lui, accroché à son sourire, il ne peut vous dire pire. Demain il viendra et vendra un sourire. Les larmes de la reine sont les armes, et bien des rois.